J'ai que des idées pressantes dans ma tête, comme de couper le bras et de faire un dab avec. Salut à tous, c'est la Charque. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où je vous informe que j'ai commandé mon laveur média il y a peut-être une heure de ça. Ouais, j'ai commandé mon laveur média il y a peut-être une heure de ça. Normalement je le recevrai dans la semaine qui suit. On est le 4 décembre. J'ai aussi Action Mirilis pour record l'écran de mon PC avec ce que je filme là maintenant. J'ai aussi Sony Vegas Pro 14, le dernier, et Photoshop CS6. J'ai aussi Minecraft. Normalement je vais avoir un compte premium, un pote à moi va m'en passer un. Normalement, ouais, je sais, je me répète avec les normalement. Dites-moi si vous voulez du coup que je vous fasse des vidéos dessus. Et je vais aussi me créer une page Facebook. Parce que, une page Facebook, j'en ai déjà une, mais pour la chaîne. Parce que toujours, ça fait longtemps que je dis que je vais m'en créer une. Mais je l'ai toujours pas fait. Normalement, la page elle sera créée le même jour où sortira la vidéo setup. Si vous voulez être au courant, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. J'ai aussi Skype, je vous les mettrai en description. Et je pense que c'est tout. Ouais, c'est tout pour cette vidéo. C'était la Shark. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos.